un nouveau membre dans la vaste et complexe famille des particules élémentaires. Pour être tout à fait honnête, immédiatement, ce n'est pas exactement une particule, mais une quasi-particule. Elle avait été prédite à la fin des années 70. Elle vient d'être observée expérimentalement. Cette quasi-particule, c'est un anion, une particule intermédiaire entre les fermions, qui sont les particules de base de la matière, et les bosons, qui sont celles qui assurent les interactions fondamentales. Ces semi-particules, maintenant que leur existence est attestée, pourraient permettre à l'informatique quantique de faire de grands progrès en fournissant des qubits plus stables que ceux utilisés jusqu'à présent. Particules élémentaires, la famille s'agrandit, c'est le quasi-programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et pour évoquer cette nouvelle quasi-particule, de son postulat jusqu'à sa découverte toute récente, nous avons le plaisir de recevoir à distance, comme chaque jour, Gwendal Feve, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, professeur à Sorbonne Université, chercheur au laboratoire de physique de l'École Normale Supérieure et co-auteur de l'étude, dont il faut préciser que le premier auteur n'est autre que Hugo Bartholomei, un nom qui vous rappelle peut-être quelque chose si vous êtes un vieux ou une vieille familière de l'émission, puisque Hugo était en effet notre stagiaire il y a 2 ans. Donc on n'est pas peu fiers de voir qu'aujourd'hui son étude et donc la vôtre font la une de la revue Science, et que tous les chemins et donc la méthode scientifique même aussi voilà, à l'excellence scientifique. Bref, tout ça étant dit, et on salue Hugo évidemment très chaleureusement, bonjour également à Marc-Olivier Gerbig. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique des solides de l'université Paris-Saclay. Mais avant de plonger dans le monde des particules et des quasi-particules, on fait notre tour quotidien de l'actualité des sciences, de la recherche et de la Covid avec Natacha Triou, de retour donc pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude parue aujourd'hui dans la revue Nature avec la découverte de 2 souches inconnues de tuberculose. Et rappelons que la tuberculose est une maladie qui cause encore chaque année 1,5 million de morts et qu'elle reste la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde devant le sida. Une équipe internationale s'est intéressée à la bactérie qui cause cette maladie, la Mycobacterium tuberculosis. Et elle a mis au point un nouveau test moléculaire pour mieux diagnostiquer la résistance aux antibiotiques de cette bactérie. Au Rwanda, dans la région des Grands Lacs, les chercheurs ont testé des patients atteints de tuberculose multirésistante. En comparant les génomes avec d'autres génomes mycobactériens, des lignages inconnus sont apparus. 2 souches ancestrales de tuberculose. Philippe Supply est directeur de recherche CNRS à l'Institut Pasteur de Lille. Il a dirigé cette étude. Nous avons analysé l'entièreté du génome de ces souches et sur base des données obtenues, nous avons pu reconstruire l'ordre d'apparition de cette lignée de souches par rapport ou lignée connue, et nous avons pu mettre en évidence en effet que cette lignée-là était apparue avant les lignées des autres souches courantes de tuberculose qui sont répandues à travers le monde. Donc il s'agit d'une lignée tout à fait ancestrale qui a précédé l'ordre d'apparition de toutes les autres lignées. Puisqu'on retrouve cette lignée ancestrale dans cette région de l'Afrique, donc en Afrique de l'Est, ça renforce l'hypothèse qu'on avait déjà d'une origine est-africaine du bacille de la tuberculose. Alors ça nous aide à comprendre l'origine de la maladie en tant que telle, et puis ensuite ça nous aide aussi à mieux comprendre l'évolution de la bactérie au cours du temps, et en particulier aussi l'évolution des mécanismes de virulence de cette bactérie. Et ça, c'est important pour nous permettre de mettre au point ou de rechercher des nouveaux moyens thérapeutiques ou des nouvelles approches vaccinales. Et donc ici, en particulier, nous avons mis le doigt sur une région génétique de cette bactérie en particulier qui est présente dans cette lignée ancestrale, mais qui a été perdue dans toutes les autres lignées qu'on connaissait précédemment. et on pense que la perte de cette région a permis l'augmentation de la virulence dans les souches de lignées plus contemporaines par rapport à celles qu'on a identifiées ici. Voilà, et vous pouvez retrouver, hein, comme tous les jours, on reprend les bonnes vieilles habitudes, l'étude originale dans Nature, ainsi que bien des liens vers d'autres études, vers des articles de vulgarisation sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Et on passe au bref. Un point quotidien sur l'épidémie de coronavirus, selon une étude parue hier dans Nature également. En Europe, 3,1 millions de morts auraient été évitées grâce au confinement. Et ce sont les résultats des chercheurs de l'Imperial College de Londres qui ont fourni jusqu'ici les modèles épidémiques les plus solides. Sur 11 pays européens, le nombre de décès recensés a été comparé avec le nombre hypothétique de morts estimé par modélisation mathématique. Alors, les auteurs reconnaissent que les données de décès sont incomplètes et que nous sommes toujours en pleine pandémie. Néanmoins, la fermeture des écoles et des commerces, l'interdiction des regroupements, enfin toutes ces mesures ont eu des effets importants sur la transmission du virus et surtout sur son fameux R0, hein, son taux de reproduction. Selon ce papier, dans les 11 pays analysés, le R0 est passé en dessous de 1, ce qui permet ainsi un contrôle épidémique. Dans deux prépublications sur le site BioArchive, pour la première fois, des atomes d'une protéine ont été observés individuellement. C'est un niveau de détail inédit. Deux laboratoires anglais et allemands ont travaillé sur une protéine qui stocke le fer, l'apoférétine. Et ils en ont obtenu une précision d'image de 1,25 angstrom, soit 0,125 nanomètres. C'est un record. Pour discerner des atomes dans une protéine, les chercheurs ont profité des récentes améliorations dans les technologies des faisceaux d'électrons et des progrès des techniques de microscopie, la cryomicroscopie électronique associée à des logiciels d'analyse d'images. Alors, ces travaux doivent encore être validés par les pairs, mais s'ils le sont, c'est une percée majeure pour l'étude de l'infiniment petit et pour la compréhension du fonctionnement des protéines. Et enfin, selon une étude parue dans Science, cette fois, les souris également ont des expressions faciales et des émotions, Natacha. Dégoût, joie, douleur, peur ou nausée. On peut lire ces 5 émotions sur le visage, entre guillemets, d'une souris. C'est ce qu'ont réussi à décrypter des chercheurs allemands et surtout leur algorithme d'apprentissage automatique. Ils ont observé et filmé des rongeurs dans des activités plus ou moins agréables et ont aussi mesuré leur activité neuronale. Alors, non seulement les expressions faciales de la souris, oreille inclinée sur l'avant ou sur l'arrière, moustache tremblante, ces expressions peuvent être classées en catégories émotionnelles, similaires à celles de l'humain, mais en plus, ces émotions sont liées à différentes activations du cerveau. Selon les neuroscientifiques, les rongeurs auraient des neurones émotionnels. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences et pour un point également sur l'épidémie de Covid qu'on ne lâche pas, qu'on ne quitte pas de l'œil. Merci à Natacha, à demain. La famille des particules est une grande famille assez complexe, mais dans l'ensemble plutôt bien recensée et assez bien organisée. C'est pour cela que la découverte d'une nouvelle particule est un événement aussi rare qu'excitant pour les physiciens. Alors précisons tout de suite que le modèle standard n'est pas bouleversé, on ne vient pas de découvrir une nouvelle particule qui vient modifier ce beau et solide tableau qui classe d'un côté les fermions, à savoir les particules qui composent la matière telle qu'on la connaît, et les bosons de l'autre qui véhiculent les interactions fondamentales. Ce qui vient d'être observé est à cheval entre les deux. Il s'agit d'une quasi-particule qui emprunte un peu aux fermions et aux bosons, comme nous allons le préciser dans un instant. C'est d'ailleurs un peu pour cela qu'on lui doit son nom de anion, fondé sur any en anglais. Après avoir été prévu dans les années 70, elle vient d'être observée et ça a d'ailleurs bien valu la couverture du numéro du 10 avril de la revue Science, ce qui n'est pas rien. Nous en parlons avec Gwendal Feff, qui est justement l'un des co-auteurs de l'étude, qui est physicien, professeur à Sorbonne Université, chercheur au laboratoire de physique de l'École Normale Supérieure, et Marc-Olivier Gerbig, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique des solides à l'université Paris-Saclay. Alors peut-être qu'on peut repréciser, comme je viens de le faire, mais avec vos mots à vous, que cette découverte ne vient pas bouleverser le modèle standard de la physique des particules, Gwendal Feff. Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez rappelé, le modèle standard et globalement la théorie quantique prédit que les particules élémentaires doivent se diviser entre ces deux catégories, les fermions et les bosons, et donc interdit a priori l'existence de particules intermédiaires. Donc, pour voir émerger ces quasi-particules avec ces propriétés particulières, il faut en fait travailler dans un univers bidimensionnel, auquel cas, eh bien, des variétés plus exotiques et donc des comportements intermédiaires peuvent à nouveau être autorisés. C'est ce qu'on va évoquer. Et c'est une histoire assez longue que cette histoire de ces anions, puisque elle remonte aux années 70. Et en fait, de nombreuses expériences qu'on aura peut-être le temps d'évoquer ont donné des indices très forts de leur existence. Ce que notre expérience a permis de mettre en valeur, c'est vraiment d'aller sonder qu'est-ce qui fait de ces agneaux un comportement, fait que ces agneaux ont un comportement vraiment différent des fermions et des bosons. Donc revenir au cœur de leur spécificité, disons. Et on va resuivre l'histoire depuis le moment où on a envisagé leur existence théorique jusqu'à vos travaux. Je précise pour nos auditrices et nos auditeurs que nous venons de poster, comme à chaque fois qu'on fait une émission de physique des particules, le tableau qui est affiché en 4x3 dans le bureau de la méthode scientifique et qui montre toutes les particules et les interactions fondamentales. Vous pouvez vous y référer si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel et de mettre un peu d'ordre dans votre mémoire. Un mot peut-être, Marc-Olivier Gerbig, sur ce qu'on entend par quasi-particule. Quelle est la différence entre une particule et une quasi-particule ? Une quasi-particule, comme Gwendalfev l'a déjà évoqué, c'est une particule qui émerge. C'est-à-dire, elle ne vit pas toute seule dans le vide, comme par exemple les autres particules auxquelles on a l'habitude, les électrons, les protons, etc. Mais elles émergent d'une sorte de mer globale, et notamment, souvent en fait, d'une mer corrélée. C'est-à-dire, comme par exemple les quasi-particules ont d'abord été prédites, pour des métaux tout à fait ordinaires. C'est-à-dire, les métaux sont constitués d'électrons, sauf que cette fois-ci, tous ces électrons vont se voir l'un l'autre via leur interaction coulombienne. Et donc, si vous voulez suivre maintenant un des électrons dans cette mer, en fait, elle va interagir avec le reste, elle va s'habiller quelque sorte via les interactions avec les autres électrons. Et ce qu'on mesure à ce moment-là, c'est plutôt une quasi-particule. Mmh. Gwendalfev, quelle serait votre définition avec vos mots à vous ? La définition de Marc est très bonne. Peut-être on peut donner quelques exemples. Bien sûr. Par exemple, si on regarde les électrons dans un solide, en fait, donc Marc l'a rappelé, les électrons interagissent entre eux, mais aussi évidemment avec les ions, le réseau cristallin. Et ça, ça aboutit au fait que les particules qui émergent ressemblent très fortement aux électrons. D'ailleurs, on les appelle peut-être abusivement à nouveau des électrons, mais leur masse peut par exemple être très différente. Donc on pourrait parler de quasi-électrons. Un autre exemple, c'est par exemple dans un semi-conducteur, quand on retire un électron, il apparaît une lacune d'électrons qu'on va appeler un trou. Mm-hmm. Et qui va avoir une charge opposée à celle de l'électron, donc une charge positive. Et finalement, le déplacement de ce trou, on pourrait le considérer comme un déplacement collectif de l'ensemble des électrons qui va déplacer cette lacune. Il est évidemment beaucoup plus simple d'introduire cette notion de trou et de parler d'une particule simple, élémentaire, qui serait ce trou et qui se déplace. Donc les quasi-particules permettent de décrire de manière beaucoup plus simple, avec des objets élémentaires, des comportements collectifs complexes. Juste pour dire, éventuellement, pour signaler à nos auditrices et à nos auditeurs que sur cette fameuse paire électron-trou, on avait fait une émission entière consacrée à une autre quasi-particule qui s'appelle l'exciton. On va vous retrouver le lien et on va vous le poster sur le site, sur le fil Twitter de la méthode @lamethodefc. Néanmoins, ça n'est pas parce que ce n'est pas une nouvelle particule qui chamboule le modèle standard que ça n'en est pas moins, Gwendalfev. Alors, c'est peut-être difficile de vous demander de le commenter vous-même puisque vous êtes co-auteur de l'étude. Ça n'en reste pas moins une découverte expérimentale importante. Très importante. Voilà. <bon. rire> Oui, absolument. Disons que déjà, ça élargit le spectre. Alors, à condition de se donner donc une matrice, un ensemble de particules de départ pour faire émerger des nouveaux objets, eh bien, cela autorise un spectre de possibilités beaucoup plus large, puisque les particules élémentaires sont limitées au comportement fermionique ou bosonique. L'idée de pouvoir manipuler une nouvelle classe de particules offre en principe des possibilités de comportement très riches et très grandes, en toute honnêteté, on ne connaît pas encore et on n'appréhende pas encore très bien. Il y a quelques directions, quelques applications précises que nous évoquerons et que vous avez évoquées dans l'introduction, qui est notamment les possibilités d'utiliser les propriétés de ces particules, en particulier le fait qu'elles ont une mémoire. Contrairement aux fermions et aux bosons, ce sont des particules qui, en les échangeant les unes les autres, vont conserver une mémoire de la manière dont on les a enroulés, déplacés les uns autour des autres. Et cette mémoire peut être exploitée pour coder de l'information. Marc, Olivier Görbig, votre, ce sera peut-être plus simple de dire de votre de point de vue un peu plus extérieur pourquoi c'est important finalement cette confirmation expérimentale de cette quasi-particule qui était théorisée donc comme on va l'expliquer dans un instant depuis 40 ans. Oui, donc tout à fait. En fait, Gwendal, il a déjà évoqué un truc. Bon, voilà, expérimentateur, il a envie d'aller vers l'avant, vers les applications, mais je crois qu'en fait, une des grosses découvertes, un des gros trucs justement dans cette découverte, c'était que justement depuis 40 ans, on s'attend à avoir cette quasi-particule, à l'avoir, elle était prédite théoriquement, on savait où la trouver, c'est-à-dire dans justement des électrons bidimensionnels qui sont soumis à un champ magnétique extrêmement fort. On a déjà vu que ces quasi-particules qui émergent là portent par exemple une charge fractionnaire, et jusqu'à présent, quasiment toutes les expériences ont échoué de vraiment mettre en évidence clair le caractère anionique de ces quasi-particules, alors qu'en fait, ce caractère était déjà, d'un point de vue théorique, connu depuis un petit moment. Donc, moi, non, en tant que théoricien, peut-être aussi, c'est toujours une question de goût, hein. Donc, pour moi, en tant que théoricien, c'est formidable, justement, de voir, d'avoir enfin une indication forte, vraiment très forte, les Anglais diraient le smoking gun, pour cette quasi-particule avec justement ces statistiques fractionnaires particulières. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h16, qui est une heure qui fait plaisir à mon réalisateur, allez savoir pourquoi. Nous parlons donc des anions tout au long de cette heure, en compagnie de Gwendal Fev et Marc-Olivier Görbig. Alors peut-être qu'on peut justement remonter un peu, parce que de voir, et c'est vrai que c'est toujours assez fascinant pour le commun des mortels, de voir comment la physique prédictive peut annoncer l'existence d'un objet qui va plus tard s'avérer bien être une réalité observationnelle. On remonte donc jusqu'en 1977 également, qui veut formuler cette théorie qui va postuler l'existence des anions. Gwendal Fev, peut-être, pour commencer. Alors, eh bien, la remarque, enfin, l'observation, la prédiction qu'ont fait Linus et Mirheim en 77, c'est que, eh bien, les contraintes qui reposent sur les fermions et les bosons, la notion de fermion ou de boson est reliée à une description ondulatoire de la matière. Ces particules vont être décrites par une fonction d'onde. Et que cette, comme toutes les ondes, cette fonction d'onde va avoir être caractérisée par une amplitude et une phase. Et la phase est par... Ah. Eh bien voilà que nous venons de perdre en route Gwendal Fev qui a disparu dans les réseaux de communication. Je vais vous laisser reprendre du coup Marc-Olivier Görbig l'histoire justement de cette prédiction de l'existence des anions par Linus et Mirheim. Bon, je vais essayer de... Et me lancer dans une exégèse de ce que Gwendal Fev aurait probablement dit. Qui est revenu. Il est à nouveau là. Il n'a pas été enlevé par des extraterrestres ou par des androïdes agressifs. Il est avec nous. Bah, allez-y, Marc-Olivier Görbig, je vous laisse continuer et puis vous compléterez l'un l'autre. Allez-y. Ce que voulait dire Gwendal Fev, justement, donc, quand on va vers cette dichotomie entre les bosons et les fermions, il faut évoquer l'aspect quantique des particules. Et donc, justement, ça c'était connu depuis très longtemps, presque le début de la mécanique quantique, et que les particules se scindent en deux familles, les fermions et les bosons. Peut-être qu'on peut rappeler rapidement pour nos auditeurs ce que c'est que ces deux familles et qu'est-ce qui les caractérise, qu'est-ce qui font que les fermions et les bosons sont radicalement différents et ne se comportent pas de la même manière. J'aurais espéré que Gwendal Fev commence justement l'ensemble pour une première fois parce que c'est pas facile d'expliquer effectivement cette dichotomie. Alors, en deux mots, oui. Il s'agit d'un processus d'échange. C'est-à-dire si vous avez deux particules identiques et vous voulez les échanger. Okay, donc vous voulez qu'ils échangent de place par exemple. Mm-hmm. Donc, il y a deux comportements différents que les particules peuvent avoir, qui se révèlent dans ce qu'on appelle la fonction d'onde qui englobe les deux particules, qui décrivent les deux particules. Donc, dans un cas, c'est le cas bosonique, lorsque j'échange mes deux bosons, la fonction d'onde, elle est inchangée, étant donné que, de toute manière, les particules sont indiscernables. Et dans le cas des fermions, la fonction d'onde va acquérir une phase moins 1. En fait, elle va devenir l'opposé de sa fonction d'onde, si vous voulez. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, une fonction d'onde que nous l'appelons psi, mm-hmm. par exemple, elle va devenir moins psi lors de ce processus d'échange. D'un point de vue physique, à première vue, ça ne change rien, parce que toutes les lois de la physique font toujours intervenir le module carré de la fonction d'onde. Donc, quand vous mettez le module carré, ce facteur moins 1 disparaît parce que, en fait, le carré de moins 1 est égal à 1. Mais, en fait, quand même, dans ce processus d'échange des positions des deux particules, les bosons ou les fermions, mm-hmm. est encodée quand même la différence fondamentale entre les deux classes. Gwendal Fev, comment avec votre terminologie, peut-être dans des termes un peu moins physiques, comment est-ce qu'on pourrait juste rappeler vraiment ce qui différencie très nettement d'une part les fermions d'un côté et d'autre part les bosons de l'autre? Tout à fait. Eh bien, ce que les propriétés mathématiques de la fonction d'onde que Marc a rappelé vont se manifester dans des comportements complètement différents. En fait, tous les processus qui vont amener deux fermions à se retrouver à la même position, en raison de cette déphasage de pi, de moins 1 lorsqu'on échange deux particules, eh bien, va y avoir un processus d'interférence destructif qui va interdire ces processus qui mettent deux fermions au même endroit. C'est ce qu'on appelle, en fait, communément le principe d'exclusion de Pauli. Voilà. Et donc, on peut peut-être rappeler que les fermions, c'est notamment les électrons, c'est ce qui compose plus généralement ce qui est du côté de ce qu'on appelle la matière ordinaire. Pour dire ça très rapidement, je sais que je pourrais me faire taper sur les doigts, mais disons qu'à grands traits, c'est ça. Absolument, et ça va avoir des conséquences sur comment la matière est constituée, les propriétés de la matière, notamment la structure électronique des atomes. Donc comme deux électrons ne peuvent pas être au même endroit ou occuper le même état, eh bien on va remplir les niveaux d'énergie des atomes un par un, et c'est ça qui va expliquer leur structure électronique. De la même manière, ça va expliquer les différences entre les isolants et les conducteurs. Donc là, on a des niveaux d'énergie plus complexes, qu'on appelle des bandes d'énergie, et en remplissant les électrons un par un, les niveaux d'énergie un par un dans ces bandes d'énergie, on va aboutir soit à des matériaux qui ne transportent pas du tout le courant, qui sont des isolants, soit des conducteurs. On peut même parler de phénomènes d'astrophysique, comme les étoiles à neutrons. Eh bien là, la gravité voudrait ramener tous les neutrons au même endroit. Eh bien, à cela va s'opposer, comme les neutrons sont des fermions, le principe d'exclusion qui va compenser les effets gravitationnels et ainsi assurer la stabilité de ces objets très massifs. Très bien. Ça, c'est pour les fermions. Et pour les bosons, alors, de l'autre côté? Alors, les bosons vont évidemment avoir le comportement inverse, puisqu'ils ont cette phase de zéro au lieu de la phase de pi. Cette fois-ci, au contraire, les processus qui vont amener deux bosons au même endroit vont être favorisés. Il va y avoir un effet d'interférence constructif. Et ça va aboutir, par exemple, donc les bosons sont un exemple familier, c'est le photon qui décrit la propagation de la lumière. Et bien, par exemple, ça va amener tous les photons à vouloir se rassembler avec une même fréquence, une même structure spatiale. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans un laser, donc qui va permettre d'avoir des sources lumineuses très intenses, contenant un grand nombre de photons, et avec une pureté spectrale très grande et une très grande directivité. On peut aussi trouver ça là maintenant dans la matière, puisque en assemblant plusieurs fermions entre eux, on peut constituer, fabriquer un boson. Et donc, par exemple, les phénomènes de superfluidité de l'hélium-4, donc l'hélium-4 étant un boson, eh bien là, tous les atomes vont pouvoir se placer dans le même état et faire émerger des phénomènes quantiques collectifs, donc des phénomènes quantiques macroscopiques où tous les électrons occupent la même fonction d'onde et donner lieu à des phénomènes comme la superfluidité ou la supraconductivité. Ou les condensats de Bose-Einstein, par exemple, dont on Absolument. Avait parlé au cours d'une heure entière. Et là aussi, on va vous remettre le lien, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire à ce propos et sur les particularités et les propriétés incroyables de ces condensats. On vous met le lien sur le fil de la méthode scientifique. Peut-être que si on revient maintenant qu'on a bien fait la part entre les deux, entre les fermions d'un côté, leurs particularités, leurs caractéristiques, et les bosons de l'autre, finalement, si on revient à Leinas et Mirheim en 1977, Gwendal Fev, qu'est-ce qu'ils postulent, en fait, justement, sur les différences entre ces deux états? Donc, ce qu'ils postulent, c'est que dans un univers bidimensionnel, on peut avoir des particules qui, lorsqu'on les échange, vont avoir des propriétés intermédiaires entre fermions et bosons. En fait, ils prédisent la possibilité d'un spectre continu entre les comportements bosoniques ou les comportements fermioniques, donc des particules qui vont avoir une tendance à se regrouper ou à s'exclure, intermédiaires entre les bosons et les fermions. Et disons, la clé qui n'est pas simple à comprendre sur le rôle de la dimensionnalité, 2D versus 3D, c'est qu'en fait, si on regarde, il faut quand même revenir à cette notion de phase ou de symétrie associée à l'échange. On a dit que les fermions ou les bosons avaient accumulé une phase soit de 0, soit de pi, de moins 1, lorsqu'on les échangeait. Ça veut dire que si on les échange deux fois, on va avoir ce processus au carré. Donc on va avoir soit une phase de 0 au carré qui va rester 0, soit moins 1 au carré qui va devenir 1. Et donc ça veut dire que lorsqu'on fait deux échanges successifs, toute l'information qu'on avait accumulée en échangeant deux particules est complètement perdue. Les fermions et les bosons sont des particules qui ne gardent aucune mémoire des échanges qu'on peut faire entre elles. À deux dimensions, donc ces fameux anions qui vont avoir une phase intermédiaire entre 0 et pi, eh bien cette fois-ci, lorsqu'on fait deux échanges, ce qui correspond en fait à prendre une particule et à l'enrouler autour de l'autre, donc lorsque je fais faire un demi-cercle à une particule autour de l'autre, eh bien la particule qui était à droite se trouve maintenant à gauche, donc j'ai fait un échange, j'ai accumulé une certaine phase. Lorsque je poursuis ce demi-cercle pour faire un cercle complet, j'ai ramené la particule à son point initial, donc a priori je n'ai rien changé, mais pour les anions, ce que Linas et Mirheim introduisent, c'est que j'ai changé la phase globale du système d'une valeur de phi, où phi est la phase d'échange, et comme cette phase peut être différente de 0 et pi, eh bien il reste une trace de cet échange, puisque pour 0 ou pi, 2 fois 0 c'est 0, et 2 fois pi c'est 2 pi, qui est équivalent à ne rien faire, les phases sont définies à 2 pi près, donc une phase de 2 pi est la même chose qu'une phase nulle. En revanche, les anions vont conserver une trace des échanges. Donc c'est ça la différence fondamentale entre les fermions, les bosons et les anions, et c'est une différence qui fait appel à des notions de topologie qu'on peut éventuellement développer pour comprendre quelle est l'origine de cette mémoire et le rôle du caractère 2D pour comprendre l'apparition de cette mémoire. C'est ça. Et si on peut effectivement peut-être essayer de se rabattre sur la topologie pour comprendre comment ça se passe dans l'espace et pour essayer de visualiser plus que par des termes mathématiques, parce que alors si j'ai bien compris, mais je vais parler sous votre contrôle à l'un et à l'autre, effectivement cette absence de mémoire ou de capacité à faire des tresses en trois dimensions des fermions et des bosons, et bien c'est parce que finalement quand vous en tournez les particules les unes autour des autres, il n'y a grosso modo pas de nœuds qui se forment, alors que si on reste sur deux dimensions, et bien on peut suivre justement cette fonction de tressage d'une particule autour de l'autre. Gwendal Feve, je me trompe ou est-ce que... Non, c'est exactement ça. La difficulté un peu conceptuelle qui apparaît, c'est que en fait, ces tresses apparaissent lorsqu'on considère ce qu'on appelle les lignes d'univers décrivant les déplacements des particules. Donc les lignes d'univers, c'est une trajectoire dans l'espace-temps. Alors, pour des particules qui vivent dans un espace à deux dimensions, c'est assez facile à représenter parce que l'espace va être le plan, donc le plan bidimensionnel, l'axe X et l'axe Y, et l'axe vertical, l'axe Z, va pouvoir être utilisé pour coder le temps. Et alors, le processus que je décrivais, où une particule entoure une autre, eh bien, si je représente les lignes d'univers associées, eh bien, il y a une particule qui reste immobile, qui va décrire une trajectoire verticale selon l'axe OZ, lorsque le temps s'écoule, alors que l'autre particule va décrire une hélice, va s'enrouler autour de l'autre. Et on peut tout à fait représenter ça maintenant dans l'espace tridimensionnel comme une tresse. Donc ces fameuses lignes d'univers, on peut les voir comme des cheveux. Et ce qu'on est en train de faire en échangeant les anions, c'est simplement de tresser une paire de cheveux. Et si on a n anions, on peut faire des tresses complexes comme des chevelures, avec n cheveux qu'on entrelace les uns dans les autres. Alors là où la topologie apparaît, c'est que maintenant, si on fixe les extrémités de la tresse, c'est ce qu'on fait en coiffure, y a une extrémité qui est naturellement fixée au cuir chevelu, et puis de l'autre côté, on va mettre un élastique pour fixer l'extrémité. Et bien là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dans une tresse à trois dimensions, il est impossible de défaire les nœuds ou les enroulements que vous avez faits. Et c'est ce qui maintient la stabilité à la coiffure. En maintenant le nœud, il est impossible de défaire ces entrelacements. Et ça, c'est ce qu'on appelle un invariant topologique ou une propriété topologique, c'est-à-dire que on peut déformer les trajectoires des cheveux autant que l'on souhaite, on ne parviendra jamais à défaire la tresse. Ce qu'il faut pour défaire la tresse, c'est couper les cheveux, c'est-à-dire faire une variation brutale. Donc c'est là où la notion de topologie apparaît, c'est que ces traces sont des objets robustes au sens où des petites déformations des trajectoires de ces cheveux ne permettent pas de casser l'édifice qu'on a fabriqué en fabriquant cette trace. Donc ça c'est vrai pour les anions, donc qui vont finalement il va suffire de compter les tours, les enroulements pour garder la mémoire des échanges qu'on a fait entre les particules. Maintenant, et ça va être très important tout à l'heure, hein, au moment des applications. C'est pour ça qu'on y reviendra, mais au moment des applications, notamment en informatique quantique, ça va être essentiel. Absolument. Je vous laisse poursuivre. C'est la base de ce qu'on verra sous le nom de protection topologique. Maintenant, si on veut passer aux fermions, aux bosons, alors là, c'est un peu plus difficile à représenter, puisque les fermions et les bosons vont vivre dans un espace à trois dimensions, si bien que leur ligne d'univers, l'espace-temps, va être à quatre dimensions. Alors, c'est évidemment un peu complexe à appréhender. Maintenant, on peut s'imaginer quand même que si on essaye de faire des tresses, d'enrouler des fils dans un espace à quatre dimensions, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'au contraire du cas anionique, si on tire sur la tresse maintenant, elle va naturellement se dénouer. Tous les nœuds, toute la mémoire va se perdre. Je ne sais pas si on va poursuivre plus loin jusqu'à la quatrième dimension. On va essayer de rester aux deux dimensions des anions pour bien comprendre de quoi il s'agit. Peut-être un mot, Marc-Olivier Gerbig, pour compléter ou pour apporter votre point de vue sur ce que vient de détailler Gwendal Fevre. Et là, je précise bien qu'on est encore une fois, on prend le temps, mais on est encore dans la théorie. On est encore avec Leinas et Mirheim dans les années 70, en 1977. Comment est-ce que vous pouvez nous aider finalement à bien percevoir, peut-être avec une question toute simple tout de même, où est-ce qu'on les trouve ces fameux anions? Les anions, on les trouve, ce qui a déjà été dit, dans des systèmes électroniques bidimensionnels. Donc il faut que les électrons soient confinés à deux dimensions de l'espace. Donc, on les trouve par exemple à l'interface de deux semi-conducteurs, du coup. Donc là, les électrons ne peuvent pas sortir de l'interface, ils sont contraints à vivre dans cette interface. Et en plus, l'autre ingrédient qu'il faudrait avoir, donc ça c'est simplement ce qu'on appelle un métal bidimensionnel. Ce métal bidimensionnel, il n'est pas encore très intéressant en soi. Mm-hmm. Mais pour obtenir justement ces quasi-particules particulières, il faut soumettre ces gaz bidimensionnels ou ces métal bidimensionnels à un fort champ magnétique perpendiculaire à cette interface. Donc à ce moment-là, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'effet Hall quantique. Mm-hmm. Il y a un effet qui était très très important des années qui a été découvert dans les années 80 et par Klitzing, par Klaus von Klitzing. Il vaudra d'ailleurs un prix Nobel en 2005. Voilà, en 85. En 85, pardon. Voilà, le prix Nobel en 85. Mais en 82 déjà, Horst Störmer et Dan Tsui aux États-Unis, ils ont découvert le petit frère de l'effet Hall quantique, qu'on appelle maintenant l'effet Hall quantique fractionnaire, qui a lieu à des champs magnétiques plus forts, qui a lieu dans des interfaces plus pures. Et donc, à ce moment-là, voilà, il y a un effet il y a un état qui se crée tout d'un coup à très fort champ magnétique, qui est un liquide électronique, mais où les électrons sont très très fortement corrélés. Donc on ne peut pas extraire un électron aussi facilement que ça. Ce qui va se passer, c'est plutôt, justement, lorsqu'on essaie d'extraire un électron, on ne va pas extraire un électron, mais on va extraire trois quasi-particules. Ça, très vite, les chercheurs ont remarqué que ces quasi-particules portent une charge fractionnaire, par exemple un tiers. Et voilà, c'est là que la notion de quasi-particules prend tout son sens. C'est vraiment, l'électron n'a pas de raison d'être, il va se scinder en trois quasi-particules, deux charges fractionnaires, et c'est ces particules-là, précisément, qui sont des anions. Et on va voir comment, à partir de cette théorie qui est, il faut le reconnaître, un peu complexe, eh bien, on va arriver à la pratique, on va voir comment, eh bien, pendant des années, on a cherché à observer ces anions bien sans succès, jusque à votre protocole expérimental, Gwendal Fevre, on parle dans un instant. Thank you. 16h36, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture, c'était Elementary Particles de The Hylozoist. Vous êtes une amie ou un ami des particules élémentaires, vous aimez la mécanique, la physique quantique et la physique des particules, vous êtes au bon endroit, nous parlons, dans des termes parfois un peu complexes mais absolument passionnants, d'une quasi-particule qui vient d'être identifiée par une équipe française. Ça leur a valu d'ailleurs la couverture de la revue Science le 10 avril dernier. Cette équipe, Gwendal Fèvre qui est avec nous, en fait partie, il est physicien, professeur à Sorbonne Université, chercheur au laboratoire de physique de l'École Normale Supérieure. Nous en parlons également avec Marc-Olivier Gerbig qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique des solides de l'Université Paris-Saclay. Alors, Gwendal Fèvre, on a parlé beaucoup de théories sur ces anions, je rappelle, quasi-particules qui ont, pour résumer, sur une surface en 2D, des caractéristiques qui sont communes aux fermions et aux bosons, qui sortent de caractéristiques mixtes, pardon, en quelque sorte. Maintenant, il faut que vous nous expliquiez comment vous en êtes venu, vous, après plusieurs années d'échecs, à identifier, à observer ces anions de façon expérimentale. Avec plaisir. Alors, déjà, il faut rendre hommage à une équipe de théoriciens, Bernd Rosno, Ivan Levkiski et Bert Halperin, qui ont prédit le dispositif que nous avons réalisé expérimentalement et qui permettait, qui ont donné quantitativement des manières d'identifier les signatures anioniques dans ce dispositif. Alors l'idée, c'est de revenir vraiment aux différences fondamentales entre bosons et fermions, ou intermédiaires pour les anions, c'est-à-dire cette capacité à soit se chercher à se regrouper ou au contraire à s'exclure. Et alors un outil de choix pour caractériser ça, c'est de réaliser des collisions entre particules. Je précise juste pour les auditrices et les auditeurs qui nous rejoignent que les fermions ayant plutôt tendance à s'exclure et les bosons à se regrouper. Voilà, c'est résumé très rapidement. Je vous laisse poursuivre. Exactement. Et donc, en réalisant des collisions entre particules, on va pouvoir caractériser cette tendance en regardant si, à l'issue d'une collision entre deux électrons, par exemple, on doit observer le fait que jamais les deux électrons vont émerger de cette collision ensemble. Donc, en général, on a mis en place des dispositifs, c'est ce qu'on a fait dans notre expérience, avec deux bras d'entrée et deux bras de sortie. Donc chaque électron incident sur ce collisionneur, ou chaque particule incidente sur ce collisionneur, va pouvoir emprunter soit le bras de sortie de gauche, mettons, ou le bras de droite. Et lorsqu'on en met deux, les électrons vont tendance à sortir dans deux bras distincts, alors que des bosons vont avoir tendance à sortir dans deux bras identiques. Mmh. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que grâce à la possibilité offerte par l'effet Hall quantique et l'effet Hall quantique fractionnaire, on peut soit se placer dans un régime qui est appelé le régime d'effet Hall quantique entier, dans lequel les quasi-particules qui émergent sont des électrons habituels, fermions. Donc on peut faire une expérience de contrôle dans laquelle, en réalisant cette collision, on observe que les fermions sortent bien dans deux bras distincts. Et puis ensuite, on a réalisé la même expérience avec le même échantillon, mais dans les conditions fractionnaires, donc le liquide fortement corrélé que Marc a décrit précédemment. Donc dans ce cas, les excitations élémentaires, les quasi-particules élémentaires sont des anions. Et la prédiction pour l'état qu'on a étudié, c'est que ce sont des anions qui sont plutôt plus proches des bosons que des fermions. Et donc on a observé ce qu'on s'attendait, enfin ce qui était prédit par cette équipe de théoriciens, c'est-à-dire cette fois-ci une tendance aux particules, en sortant de ce collisionneur, à former des paquets, donc un comportement complètement opposé à celui des électrons, a formé des paquets de charges qui caractérisaient ainsi leur comportement anionique par opposition au comportement électronique. Donc simplement, en changeant le champ magnétique, on voit qu'on arrive à contrôler, passer d'un comportement de particules qui s'excluent, les fermions, à au contraire, en rentrant dans le régime fractionnaire, des particules qui tendent à former des agrégats qui sont les anions. Peut-être qu'on peut poster sur le fil Twitter de l'émission, Noémie Naguet qui suit attentivement et avec passion cette émission, l'illustration de la une de Science qui est assez parlante et qui montre bien, je ne sais pas ce que vous en pensez Gwendal Fèvre, mais effectivement ça montre bien évidemment une vue d'artiste, mais en tout cas ça permet de se figurer relativement bien le dispositif que vous avez mis en place. Vous en pensez quoi? Je trouve cette couverture formidable. Je t'invite à la poster. Déjà c'est super d'avoir fait la couverture de Science, c'est pour ça vous n'êtes pas très objectif. Peut-être un mot Marc-Olivier Gerbig, pourquoi est-ce que ça a été si difficile de trouver un protocole expérimental qui permette d'identifier ces anions? C'est une bonne question. A priori, ça, c'est une question pour les expérimentateurs. Hein, parce qu'en tant que théoricien, on pourrait toujours dire pourquoi est-ce que ça prend tellement longtemps, parce que tout est déjà connu. Donc, sur un bout de papier. Bon, après, effectivement, il y a tout le génie des expérimentateurs de le mettre en place. Je crois que, peut-être pour répondre à peu près à cette question, ce que les expérimentatrices et les expérimentateurs ont essayé de mettre en place, c'est un autre aspect des anions. Donc, Gwendal, il a parlé du principe d'exclusion des fermions ou justement la tendance à former des agrégats des bosons et des anions qui sont intermédiaires, qui s'est finalement avéré être le bon protocole. Mais les gens, ils avaient plutôt en tête d'utiliser vraiment l'aspect quantique de ces quasi-particules, auquel Gwendal, il a déjà fait allusion aussi, c'est-à-dire la phase. Donc, quand vous avez une phase en mécanique quantique dans une fonction d'onde, vous pouvez essayer, disons, de faire interférer des objets quantiques. C'est une expérience fondamentale de la mécanique quantique, hein, ces expériences d'interférence. Et normalement, dans ces interférences, le caractère anionique, il devrait se manifester également. D'accord. Et Gwendal Fèvre, sur les difficultés, ou enfin ce qui vous a amené peut-être, vous, à contourner les difficultés préliminaires justement à l'identification expérimentale des anions. Alors, c'est ce que Marc a mentionné. Donc, la majorité des expérimentateurs se sont tournés vers des expériences d'interférence. Et les expériences d'interférence, elles reposent sur la fragilité des états quantiques et sont naturellement détruites par des effets de décohérence. Et il se trouve que dans ces phases fortement corrélées, les chercheurs ont constaté que les effets de décohérence étaient importants et ont jusqu'ici réduit à néant les conclusions des expériences basées sur des interférences. Mmh. La difficulté des expériences que nous, on a mis en place, qui sont donc un peu moins étudiées que d'autres, disons, c'est qu'elles reposent sur des techniques expérimentales qui sont assez subtiles, qui nécessitent, en fait, les signatures de ces effets de groupement ou d'exclusion ne sont pas contenues dans les courants électroniques, qui sont les grandeurs que les gens mesurent naturellement en électronique. On applique des tensions, on mesure des courants. Là, toutes ces informations sont contenues dans des corrélations, et donc la mesure des courants électriques n'apporte aucune information. Ce qu'il faut, c'est mesurer les fluctuations de ces courants électriques. C'est d'ailleurs assez étonnant, c'est ce qu'on appelle le bruit en général, les fluctuations. C'est d'habitude la grandeur qui vous gêne, qui vous empêche de mesurer finement le signal, et c'est ici finalement là qu'est contenu tout le signal sur les caractéristiques particulières des anions. C'est en mesurant précisément ces fluctuations ou ces corrélations qu'on parvient à identifier ces mécanismes dans lesquels les charges sortent en paquets ou au contraire sortent dans des bras distincts. Et ces mesures de fluctuations sont assez fines et il y a finalement pas tant de groupes qui se sont tournés vers ces techniques-là. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné jusqu'ici. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45 sur cet instrumental que je n'attendais pas vraiment, qui est une petite facétie de mon réalisateur Olivier Bétard, j'aimerais qu'on passe pour conclure et dans la dernière partie de cette émission aux applications. On en a parlé, ces anions sont vraiment très intéressants et une piste en tout cas assez prometteuse dans l'informatique quantique. Et notamment, on va recouper un peu ce qui a été dit jusqu'à présent, notamment pour une forme finalement de stabilité ou en tout cas de possibilité de lire l'historique des transformations de ces anions. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, Marc-Olivier Gerbig, comment et pourquoi ces anions sont intéressants et ouvrent de nouvelles portes dans cette informatique quantique dont on sait qu'elle est complexe à mettre en œuvre et notamment en grande partie à cause des problèmes de décohérence liés aux qubits que l'on est capable de produire à l'heure actuelle? Oui, en fait, Gwendal, il a déjà répondu en partie à cette question. C'est-à-dire, normalement, pour avoir un qubit, c'est-à-dire la brique élémentaire d'un ordinateur quantique, il faut avoir un système à deux ou plusieurs états et pouvoir faire une superposition quantique de ces états. Et donc après, on va faire un processus de calcul avec cette superposition et lire quelque part le résultat final. Ce processus de calcul, il est soumis à beaucoup d'aléas, qu'on appelle en fait la décohérence, c'est-à-dire cette décohérence, elle va détruire la superposition de ces états, et cette décohérence, elle est l'ennemi de l'ordinateur quantique. Ici, on a affaire, à cause de ce tressage dont Gwendal il a parlé, lors des processus d'échange, le processus d'échange, un ensemble de processus d'échange va être la base d'un calcul quantique, disons. Vous lui demandez d'additionner 3 et 4, ça vous le demandez pas à un ordinateur quantique. Certainement pas. Ce sera un peu gâché, disons. tu peux gâcher. Voilà. Vous posez une question, et lorsque le qubit, il calcule, vous voulez le protéger. Ici, la protection, elle est topologique. C'est-à-dire, c'est le tressage qui le protège. C'est-à-dire, il n'est pas tellement important si le cheveu, il est légèrement déformé par rapport au tressage. Mm-hmm. Ce qui compte, c'est le tressage. Et c'est ça ce qui protège, disons, cet état, ce qubit topologique. On parle d'un qubit topologique à ce moment-là. Gwendal Fèves. Oui, eh bien, il reste quand même une difficulté, disons, certaines difficultés à franchir, c'est que les anions que nous, on a utilisés et mis en évidence ne permettent pas de coder des messages complexes ou qui pourraient être utiles à un ordinateur. Pourquoi ça ? Pour ça, alors, parce que ce qu'on a vu, c'est que finalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on était capable, en mesurant la phase, de compter le nombre de tours ou le nombre d'enroulements. Mais ça, c'est pas des opérations qu'on peut utiliser pour un ordinateur quantique. On peut revenir à l'idée peut-être d'Heisenberg, de mécanique des matrices, c'est-à-dire que pour faire des opérations de calcul, il faut faire évoluer les états quantiques, et ça peut se décrire par l'application de matrices. Donc il faudrait des éléments de base, des briques de base, ou ces anions, qui, lorsqu'on les échange, n'accumulent pas une information qui est contenue dans un nombre, mais qui serait contenue dans quelque chose de plus complexe, qui sera une matrice. Et là, on pourrait vraiment exploiter toutes les possibilités de coder des messages de la mécanique quantique. Et ça, c'est ce qu'on appelle les anions non abéliens, donc qui est une autre catégorie d'anions, il faudrait donc utiliser pour vraiment bénéficier du calcul quantique topologique. Mmh. Mais alors du coup, est-ce que c'est une prochaine phase, une prochaine étape de trouver ces anions non abéliens, ou comment et puis peut-être si on reste là pour le coup à un niveau relativement théorique, comment vous expliquez-vous avec vos propres termes le fait que les anions sont un support de qubit plus intéressant précisément parce que moins sensible à la décohérence, ou en tout cas plus solide dans le temps? Alors, je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres possibilités que d'en revenir à l'exemple des tresses. C'est-à-dire que le mécanisme de décohérence, ça repose sur le fait que quand on va avoir un grand nombre de qubits, on va faire construire des états quantiques qui sont très très délicats, très très fins, et où les moindres fluctuations de l'environnement vont détruire ces états très fragiles. Donc là, il faut imaginer que si votre cheveu se déplace très légèrement dans un ordinateur quantique réel, eh bien, patatras, vous avez très fortement affecté et détruit le message ou l'information que vous vouliez coder. En revanche, dans une tresse, vous moquez de ces fluctuations, de ces déformations. Le message que vous avez codé en tressant, il est robuste à toutes les fluctuations de l'environnement. Donc c'est vraiment, on revient au cœur de la topologie et de la protection qu'elle offre, qui permet d'encoder des messages robustes. Marc-Olivier Gerbig. Oui, tout à fait. Donc Gwendal a déjà évoqué le fait que les expériences qu'il a menées étaient sur un certain type de classé particules. Donc un certain type d'effet quantique fractionnaire qui a lieu pour une valeur précise du champ magnétique, une valeur précise de la densité électronique. Il y a d'autres états, il y a d'autres liquides tout aussi corrélés à d'autres valeurs du champ magnétique et densité électronique, où on pense justement que les quasi-particules, qui à ce moment-là n'ont pas une charge d'un tiers, ne sont pas les anions tels que Gwendal les a mis en évidence, mais justement ces fameux anions non abéliens, donc qui auraient exactement cette propriété de permettre donc une manipulation du qubit topologiquement protégé. C'est ce qu'on appelle le fameux état à 5 demi. Le problème maintenant, c'est à nouveau un problème expérimental. Ces états sont beaucoup plus fragiles que l'état à un tiers qui était la base donc de l'expérience qui a été donnée à l'ENS. Donc il faudrait refaire le même type d'expérience avec un état qui est malheureusement beaucoup plus fragile. Et à ce moment-là, on aurait peut-être une chance de pouvoir faire un qubit à base d'anions non abéliens qui justement encode dans, en quelque sorte, l'information de ces processus d'échange dont on parle dans un caractère matriciel et pas simplement une phase telle que c'était le cas dans l'expérience de Gwendalfev. Ce serait quoi, Gwendalfev, un agneau non abélien? Je sais qu'il est question, et que j'ai lu en préparant cette émission, qu'on pourrait envisager, alors on rentre dans une autre catégorie qu'il va vous falloir réexpliquer rapidement parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais que les fermions de Majorana seraient des candidats intéressants. Absolument. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'un fermion de Majorana? On revient à la base. Alors déjà, un fermion de Majorana, c'est des particules prédites par Ettore Majorana qui ont la propriété d'être leurs propres antiparticules. Et donc à nouveau, on a ingénieré des systèmes de physique de solides, donc des systèmes très fortement corrélés dans lesquels il y a beaucoup d'électrons, et dans lesquels des quasi-particules émergent qui ont des propriétés proches des particules prédites par Majorana. Alors on les appelle pas des fermions dans ce cas-là, mais des quasi-particules de Majorana, précisément parce que dans la physique du solide, ces quasi-particules émergentes vont avoir des propriétés qui vont être à nouveau anioniques, mais qui vont avoir des propriétés anoniques non abéliennes, c'est-à-dire que en échangeant les particules, on va pouvoir accéder à un ensemble d'états beaucoup plus riche que pour les anions abéliens, en fait. C'est-à-dire que l'univers des possibles lorsque vous échangez deux particules devient beaucoup plus grand lorsque vous avez des anions non abéliens. Il y a des tas d'états qui sont disponibles, qui ne sont pas disponibles quand vous avez un anion abélien normal. Et donc c'est ça, c'est se déplacer dans cette multitude d'états qui va permettre de coder des messages et de faire du calcul. Donc par exemple, ces fermions de Majorana sont prédits dans des fils semi-conducteurs couplés à des supraconducteurs. Donc il y a tout un tas d'ingrédients à introduire, mais qui permettent, et on a observé des signatures de ces fermions de Majorana, et c'est un candidat très solide pour le calcul quantique topologique, au point que des grandes compagnies se lancent et investissent de grands moyens pour les développer. Alors, pour conclure l'un et l'autre, en quelques mots, quelle est l'étape suivante, Gwendalfev, vous, justement, dans la suite de vos travaux de recherche, est-ce que, justement, vous allez chercher à démontrer les propriétés anioniques des fermions de Majorana? Quelle est la prochaine étape? Alors, comme l'a mentionné Marc, il y a des phases de l'effet Hall quantique dans lesquelles ces modes de Majorana sont prédits, on a des indices de leur existence. Donc oui, moi c'est quelque chose qui m'intéresserait tout à fait de démontrer leur existence et leurs propriétés dans ce cadre-là. Je crois qu'il faut également envisager que le futur des anions ne s'inscrit pas uniquement, et peut-être pas pour leur développement, dans l'effet Hall quantique tel qu'on le considère, c'est-à-dire ces métaux bidimensionnels. Mmh. Donc il y a des tas de groupes qui, par exemple, avec des atomes froids, des atomes dans un réseau, qu'on assemble dans un réseau, reproduisent ces phases et permettront sans doute de manipuler plus aisément, parce que c'est compliqué dans ces systèmes de physique du solide, de manipuler ces anions. Et donc c'est peut-être là qu'on aura de nouvelles possibilités pour manipuler de manière élémentaire ces anions et réaliser ces opérations de calcul. Marc-Olivier Gerbig. Oui, tout à fait. Donc, Guadal, il a déjà mentionné les possibilités de simuler ces anions via des atomes froids, par exemple, des réseaux d'atomes froids. Ça, c'est certainement une piste à poursuivre. Mais je pense qu'en fait, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ces systèmes à effet Hall quantique qu'il ne faudrait pas laisser de côté. C'est-à-dire, c'est vraiment le prototype de cette type de physique, c'est-à-dire on a un système physique qui est déjà là, et on a toute la physique à l'intérieur de ces systèmes bidimensionnels d'électrons soumis à un champ magnétique. Ces systèmes sont d'une richesse qu'il faut pas sous-estimer, et je pense que on n'a pas tout compris jusqu'à présent non plus sur ce genre de système. Et donc là aussi, moi, je viens vraiment de la physique fondamentale en tant que théoricien. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à creuser. Gwendal Fev, pour conclure, si on peut recoller un peu avec la réalité, c'est-à-dire que évidemment, pour le moment, c'est une première étape observationnelle très importante. De là à réussir à passer au stade de l'application et à l'utilisation de ces anions pour véritablement les intégrer en tant que qubits dans un ordinateur quantique fonctionnel, il y a encore un petit peu de temps, disons, de recherche et de développement. Absolument, je pense que c'est honnête de le reconnaître. Mais comme vous le voyez, ça va être des efforts dans plein de systèmes différents, par des équipes différentes. Et donc, les progrès peuvent arriver assez vite. Et la possibilité d'étudier ça dans des tas de systèmes fait que bien les études de chaque système s'enrichissent des découvertes des autres. Et donc, on peut s'attendre, je l'espère, à des progrès assez rapides, soit dans les gaz binationnels d'électrons, soit dans des systèmes d'atomes froids, soit dans des fils semi-conducteurs. Enfin, il y a des tas de perspectives. Eh bien, on ne manquera pas de suivre ces évolutions. Merci en tout cas énormément à tous les deux d'être venus nous parler de ces anions. Merci Gwendal Fev, merci Marc-Olivier Görbig. Et encore bravo, félicitations et salut chaleureux aux camarades Hugo Bartholomei qui a signé cette étude avec vous. Merci à toute l'indispensable équipe de la méthode scientifique, Noémie Neguet de Saint-Vulfran au premier chef aujourd'hui, Natacha Triou, Alexandra Delbault, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. Demain, eh bien, ils ont fait la une de l'actualité avec leur utilisation par les pouvoirs publics pour rappeler à l'ordre les contrevenants au confinement. Ils sont de plus en plus utilisés tant pour les loisirs, pour le cinéma, mais aussi pour les opérations militaires et de surveillance. Il sera question des drones demain à 16h. Et on se retrouve avant ça demain matin à 8h55 pour la chronique radiographie du coronavirus qui, depuis cette semaine, est passée en mode hebdomadaire. Mais on se retrouve demain donc dans la matinale de Guillaume Herner, jusqu'à preuve du contraire.